ça met le seum. Quand je vois mes frères partir au poste, ça met le seum. Quand je vois un con braquer une poste, ça met le seum. Quand je vois les merdes qui s'additionnent, du seum pour un gros joint qui m'assomme. T'es un homme, montre le effet, tes preuves. Ça sonne tout dit pour un nouveau chef d'œuvre. En somme, tu trafiques pour des grosses sommes. Assume. Quand la bac te somme, j'ai pas le seum. Quand avec ma meuf, on déconne, ça met le seum. Quand j'ai plus de feuilles pour faire un call, la crise a le seum. Quand on a une instru de bâtard, Ness et moi on résonne et on se couche très tard. J'ai le seum. Quand je vois la bac qui joue les cowboys, ça met le seum. Ces gosses de riches qui jouent les hood boys, on t'impressionne. Too deep, street chroniqueur, allume ton spliff et noie ton seum dans la liqueur. Si t'as le seum, tu te fais niquer par l'état. Si t'as le seum, klaxonne et lève le doigt. Si t'as le seum, pour ceux qui trouvent puissants fermés, t'as du seum, fume et fais m'aimer. Si t'as le seum, tu te fais niquer par l'état. Si t'as le seum, klaxonne et lève le doigt. Si t'as le seum, pour ceux qui trouvent puissants fermés, t'as du seum, fume et fais m'aimer. J'ai le seum quand t'as rap, crèche derrière les barreaux. Quand t'as flic se prend une balle, mec, ça donne le barreau. J'ai le seum quand j'entends que le rap est mort. Est-ce le rap pour l'MC qui n'est pas hardcore? J'ai le seum contre ceux qui parlent mal sans raison. Le genre qui critique, peu importe ce que nous faisons. J'ai le seum dans la haine contre les boucaves. Parler, parler, y'a que ça qu'ils savent. T'as le seum, mec, faut pas que tu pètes les plombs. Mais qu'est-ce que je dis? Vas-y, pète les plombs. T'as le seum, agis-toi, fais ce que t'as envie. Dégage ta rage, peu importe face à qui. T'as le seum, montre qu'il faut pas te chercher. C'est toi ou c'est l'autre qui va se coucher. T'as le seum, assume pendant que moi je consume. Vas-y, roule et fume, tu connais nos coutumes. Si t'as le seum, tu te fais niquer par l'état. Si t'as le seum, klaxonne et lève le doigt. Si t'as le seum, pour ceux qui croupissent enfermé, t'as du seum, fume et fais m'aimer. Si t'as le seum, tu te fais niquer par l'état. Si t'as le seum, klaxonne et lève le doigt. Si t'as le seum, pour ceux qui croupissent enfermé, t'as du seum, fume et fais m'aimer. Quand on a le seum, on écrit, nos pensées on retranscrit. Pas de blague, du concret, du solide, pas de la craie. J'ai le seum quand j'écoute du tout rock. Quel bouffon a osé tuer le dieu du rap. J'ai le seum quand je repense à la Bosnie. C'est notre âge ethnique a déséquilibré ma vie. J'ai le seum pour ceux qui aujourd'hui n'ont plus. Pour mes frères qui ici ont tué un court vécu. J'ai le seum quand je vois mon compte bancaire. Il est vide et alors moi je reste fier. On a le seum, on arrive et on a le seum. On a le seum quand notre morceau résonne. On a le seum et c'est pas nous sonner. On a le seum, personne peut nous raisonner. On a le seum si personne nous fera signer. On a le seum, tellement le seum tu peux pas l'estimer. On a le seum s'il y a rien à consommer. Putain vas-y roule, fume et fais m'aimer. Si t'as le seum tu te fais niquer par l'état. Si t'as le seum, klaxonne et lève le doigt. Si t'as le seum, pour ceux qui croupissent enfermés, t'as du seum, fume et fais m'aimer. Si t'as le seum tu te fais niquer par l'état. Si t'as le seum, klaxonne et lève le doigt. Si t'as le seum, pour ceux qui croupissent enfermés, t'as du seum, fume et fais m'aimer. T'as le seum, tu te fais niquer par l'état. Si t'as le seum, klaxonne et lève le doigt. Si t'as le seum, pour ceux qui croupissent enfermés, t'as du seum, fume et fais m'aimer. Si t'as le seum, tu te fais niquer par l'état. Si t'as le seum, klaxonne et lève le doigt. Si t'as le seum, pour ceux qui croupissent enfermés, t'as du seum, fume et fais m'aimer. Et fais m'aimer. Et fais m'aimer. Et fais m'aimer. T'as du seum, fume et fais m'aimer.